Matthieu chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un père de famille, qui sortit dès le point du jour, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et quand il eut accordé avec les ouvriers un denier par jour, il les envoya à sa vigne. Puis étant sorti sur les 3 heures, il en vit d'autres qui étaient au marché, sans rien faire. Auquel il dit, « Allez-vous-en aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Puis il sortit encore, environ sur les 6 heures, et sur les 9 heures, et il en fit de même. Et étant sorti sur les 11 heures, il en trouva d'autres qui étaient sans rien faire, auquel il dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour, sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a loués. » Et il leur dit, « Allez-vous-en aussi à ma vigne, et vous recevrez ce qui sera raisonnable. » Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit à celui qui avait la charge de ses affaires, « Appelle les ouvriers, et leur paie leur salaire, en commençant depuis les derniers jusqu'au premier. » Alors ceux qui avaient été loués vers les 11 heures étant venus, ils reçurent chacun un denier. Or, quand les premiers furent venus, ils croyaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le père de famille, en disant, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as fait égaux à nous, qui avons porté le fait du jour et la chaleur. » Et il répondit à l'un d'eux, et lui dit, « Mon ami, je ne te fais point de tort, n'as-tu pas accordé avec moi un denier? Prends ce qui est à toi, et t'en va, mais, si je veux donner à ce dernier autant qu'à toi, ne m'a-t-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ton œil est-il malin de ce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Et Jésus montant à Jérusalem, prit à part, sur le chemin, ses 12 disciples, et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à la mort. Ils le livreront aux gentils pour s'en moquer, le fouetter, et le crucifier, mais le 3e jour il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée vint à lui avec ses fils, se prosternant, et lui demandant une grâce. Et il lui dit, « Que veux-tu ? » Elle lui dit, « Ordonne que tes 2 fils, qui sont ici, soient assis l'un à ta main droite, et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Et Jésus répondit, et dit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Ils lui répondirent, « Nous le pouvons. » Et il leur dit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, et que vous serez baptisé du baptême dont je serai baptisé, mais d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, mais il sera donné à ceux à qui cela est destiné par mon Père. » Les 10 autres disciples ayant ouï cela, furent indignés contre les 2 frères. Mais Jésus les ayant appelés, leur dit, « Vous savez que les princes des nations les maîtrisent, et que les grands usent d'autorité sur elles. Mais il n'en sera pas ainsi entre vous, au contraire, quiconque voudra être grand entre vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier entre vous, qu'il soit votre serviteur. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et afin de donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Et comme il partait de Jéricho, une grande troupe le suivit. Et voici, 2 aveugles qui étaient assis au bord du chemin, ayant ouï que Jésus passait, crièrent, en disant, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. » Et la troupe les reprit, afin qu'ils se tussent, mais ils criaient encore plus fort, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. » Et Jésus s'arrêtant, les appela, et leur dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux soient ouverts. » Et Jésus étant ému de compassion, toucha leurs yeux, et incontinent leurs yeux recouvrèrent la vue, et ils le suivirent.